tendu un piège et j'ai dû subir un siège et je n'aime pas du tout être assiégé. D'abord vous m'avez fait boire et quand la chambre fut noire, vous m'avez presque étouffé sous vos baisers. Je ne suis pas un garçon facile, un imbécile qui aurait cédé tout. Pour moi vous fûtes bien malhabile. Pour qui madame me prenez-vous? Vous m'avez dit c'est ma fête et j'ai été assez bête et je suis venu sans être accompagné. Vous m'avez ôté la veste et ma chemise et puis le reste et bref vous m'avez complètement déshabillé. Je ne suis pas un garçon facile, un imbécile qui aurait cédé tout. Pour moi vous fûtes bien malhabile. Pour qui madame me prenez-vous? Non, ce n'est pas un garçon facile, un imbécile qui aurait cédé tout. Pour lui vous fûtes bien malhabile. Pour qui madame me prenez-vous? Vous fûtes câline et tendre et comme je ne voulais rien entendre, vous m'avez jeté dehors, nu comme un ver. Je fus pris par les gendarmes et mis dans une cellule infâme et vous fûtes mal jugé par eux, ils m'approuvèrent. Non, ce n'est pas un garçon facile, un imbécile qui aurait cédé tout. Je ne suis pas un garçon facile, un imbécile qui aurait cédé tout. Pour moi vous fûtes bien malhabile. Pour qui madame me prenait.